كلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا. قال المؤلف ابن القيم رحمه الله تعالى: واعلموا أن أكبر طيب قبل ذلك نتذكر ما قرأنا في الدرس الماضي أن للشيطان أعوانا وقد رسم لهم الطريق ليوصلوا إلى ابن آدم لما وجدوا أن القلب قد حسن في حسن حصين. Donc avant de poursuivre, nous allons nous rappeler ce que nous avons lu. C'est que lorsque Shaitan a voulu s'en prendre au fils de Adam, il a trouvé que le roi, c'est-à-dire le cœur, était dans une forteresse parfaitement préservée. Il a donc dessiné ou bien tracé la marche à suivre à ses alliés, les Shayatin, parmi les djinns et parmi les humains. Il leur a tracé le chemin afin de pouvoir entrer chez le fils de Adam par différentes brèches. Parmi les brèches, il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a la langue. Naam. Et nous avions dit que une grande arme du shaitan est de leur dire de faire tomber Ibn Adam par l'intermédiaire de deux points. Premièrement, at-takallum bil-batil. Le fait de parler avec ceux qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, le fait de parler de par le faux. La deuxième arme, as-sukut 'anil haqq, le fait de se taire et de ne pas dire la vérité lorsqu'il y a un mal. Avec ces deux armes, ash-shaytan fait tomber bon nombre de fils de Adam dans le mal. Puis nous sommes arrivés au passage où il nous dit: ثم اقعدوا لهم على طرق المعاصي فحسنوها في اعين بني ادم وزينوها في قلوبهم واجعلوا اكثر اعوانكم النساء فمن ابوابهن فادخلوا عليهم فنعم العون هن لكم ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها ان تبطش بما يضركم وتمشي. Shaitan leur dit, donc à ses alliés, attaquez-les ainsi sur toutes les voies de bien. Puis attaquez-les par les voies des péchés, en les embellissant aux yeux du fils de Adam et en leur cœur. Et aidez-vous au plus en cela des femmes. Par leur entremise, introduisez-vous auprès d'eux qu'elles sont bonnes pour vous. Shaitan dit à ses alliés de se mettre sur tous les chemins du bien et des hasanat, afin que le fils de Adam ne puisse repartir avec des hasanat. Que ce soit la prière, que ce soit le dhikr, que ce soit le siyam, que ce soit le hajj, que ce soit l'amra, que ce soit sadaqa, que ce soit la bonne parole, que ce soit l'étude de la science. Et Shaitan dit à ses alliés, découragez-les autant que possible, dans un premier temps en les détournant totalement. Si vous ne pouvez pas, en les freinant. Si vous ne pouvez pas, en faisant en sorte qu'ils soient distraits durant cette action. Et il dit qu'il leur faut nous embellir le mal. Parmi les armes du shaitan, le fait d'embellir le haram au fils de Adam et de l'embellir dans leur cœur. Puis il dit à ses alliés de céder des femmes pour nuire au fils de Adam, et en est d'entrer par la porte de la fitna de la femme. Puis attachez-vous à la brèche des mains et des pieds et empêchez de saisir ou de cheminer vers ce qui vous nuira. Shaitan leur dit: faites en sorte que leurs mains ne se dirigent pas vers le halal, Faites en sorte que leurs pieds ne se dirigent pas vers le halal. Par exemple, celui qui veut prendre le Coran, le mushaf, et lire, le shaitan vient pour le détourner de cela. Celui qui veut marcher vers le masjid, le shaitan vient pour détourner ses pieds de cela. ثم الزموا طيب واعلموا أن أكبر أعوانكم على نزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة فأعينوها واستعينوا بها. Puis il dit, sachez que votre plus grand soutien à la surveillance de ces brèches consiste à établir un pacte avec l'âme incitatrice au mal. Ainsi, aidez-la et cherchez son aide. Et Shaitan dit que parmi les plus grands soutiens, parmi les plus grandes causes pour réussir à nous égarer, c'est le fait que les Shayatins fassent un pacte avec l'âme incitatrice au mal. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de trois types d'âmes. Dans le Coran, Allah azza wa jal nous parle de trois types d'âmes. À la fin de Sourate Al-Fajr, il nous parle de la meilleure âme. Al-Mutma'inna, celle qui est apaisée. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, celle qui est apaisée. Par le rappel d'Allah, par le bien, elle est apaisée. Elle aime le bien, elle appelle le serviteur à faire le bien, elle pousse le serviteur vers le bien. Et lorsqu'il veut faire le mal, elle le décourage, elle lui montre les conséquences. C'est la meilleure des âmes. C'est celle-ci qui entrera au paradis. Le deuxième type d'âme, c'est al-lawwama, l'âme qui fait des reproches à son propriétaire. Dans Surat al-Qiyamah, وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. On jure par l'âme qui est lawwama. Al-lawm, c'est les reproches, c'est le blâme. Cette âme-là a du bien, mais elle a des défauts. C'est une âme qui, lorsqu'elle tombe dans le mal, donc elle succombe par moments, mais elle se rappelle d'Allah. Alors elle fait des remarques et des reproches à l'homme, à la femme. Ceux qui amènent des regrets et un retour vers Allah. Donc il y a du bien dans cette âme, mais elle a un niveau moindre. Le troisième type d'âme, al-ammaratu bis-su, l'incitatrice au mal. Comme dans Surat Yusuf, inna an-nafsa la-ammaratun bis-su. Certes, l'âme est incitatrice au mal, sauf celle à qui Allah fait miséricorde. Ainsi, chacun d'entre nous doit observer cette âme et voir dans quel groupe, dans quel groupe on se trouve. Et cette faïda est prise d'un cours de Cheikh Ubaydullah al-Jabiri, hafidahullahu ta'ala, un grand savant de Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Shaytan dit à ses alliés, établissez un pacte avec l'âme incitatrice au mal. Donc vous les Shayatins, en s'alliant à l'âme qui appelle au péché, c'est une âme qui se tranquillise dans le haram. C'est une âme qui ne supporte pas le halal. C'est une âme qui ne supporte pas la piété. Elle se sent mal lorsque l'âme est dans la piété. Elle suffoque lorsque l'âme est dans la piété. Et elle dégage un sentiment de plaisir et de bonheur, trompeur, lorsque la personne est dans le péché. Lorsque la personne est dans le péché, elle fait oublier le retour vers Allah. Elle fait oublier la menace et les conséquences des péchés. Donc, Shaitan leur dit, alliez-vous avec cette âme et aidez-la à faire tomber le fils d'Adam dans le haram, na'am, et cherchez son aide. Et cherchez son aide. فَأَعِنُوهَا وَاسْتَعِينُوا بِهَا وَأَمُدُّوهَا وَأَمِدُّوهَا وَاسْتَمِدُّوا مِنْهَا وَكُنُوا مَعَهَا عَلَى حَرْبِ النَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنها. ف فإذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة وانصاعت لكم أعوانها فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكتي وولوا مكان النفس الأمارة فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه Accordez-lui et demandez qu'elle vous accorde. Soyez à ses côtés dans la guerre contre l'âme sereine. Et Shaitan dit de s'allier avec l'âme incitatrice au mal. Donnez-lui, aidez-la contre Ibn Adam et elle vous aidera elle aussi contre Ibn Adam. Et liez-vous à ses côtés contre l'âme sereine. L'âme qui est apaisée de par le halal. L'âme qui pousse le serviteur au halal, aux bonnes actions. Et Shaitan dit détruisez cette âme. L'âme qui pousse à faire le bien au hasanat au paradis, détruisez-la. Liez-vous avec l'âme incitatrice au mal contre l'âme sereine. Efforcez-vous de la briser et de réduire à néant ses forces. Et vous ne pourrez y parvenir qu'en la coupant de sa subsistance. L'âme apaisée, l'âme sereine se nourrit de zikrullah, se nourrit de l'obéissance à Allah. En lui coupant cela, elle faiblit. Lorsqu'elle est coupée de sa subsistance, c'est celle de l'âme incitatrice au mal qui se renforce. Donc, soit tu nourris l'âme sereine qui te pousse au bien, soit tu nourris l'âme incitatrice au mal qui te pousse au mal. Et ses partisans vous obéiront. Donc, si on affaiblit l'âme qui est sereine en ne lui donnant pas les bonnes actions, c'est l'âme qui est incitatrice au mal qui se renforce. Et à ce moment-là, le fils de Adam se voit lui obéir. Il obéit à ses passions. Faites donc chuter le cœur de sa citadelle, de sa forteresse. Isolez-le de son royaume. Isolez-le de son royaume. Et mettez à sa place l'âme incitatrice au mal. Naam. Car elle commande ce que vous désirez et aimez. L'âme incitatrice au mal, elle fera le travail des shayatins à leur place. Elle ne fera jamais ce que vous réprouvez. L'âme incitatrice au mal, elle ne pousse pas à faire le bien. Sans s'opposer à vous. L'âme incitatrice au mal, elle ne manifeste aucune défense devant les shayatines. Quel que ce soit et que vous lui indiquez. Au contraire, elle s'empressera de l'exécuter. L'âme incitatrice au mal, elle s'empresse d'exécuter tout ce qui amène à la colère d'Allah et tout ce qui cause la satisfaction du shaitan. وَلَا تَجِئُكُمْ بِمَا تَكْرَهُونَهُ الْبَتَّ مَا أَنَّهَا لَا تُخَالِفُكُمْ فِي شَيْءٍ وَتُشِيرُونَ بِهِ عَلَيْهَا فِي شَيْءٍ تُشِيرُونَ بِهِ عَلَيْهَا بَلْ إِذَا أَشَرْتُمْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ بَادَرَتْ إِلَى فِعْلِهِ فَإِنْ أَحْسَسْتُمْ مِنَ الْقَلْبِ منازعة إلى مملكتي وأردتم الأمن من ذلك فاقعدوا بينه وبين النفس الأمارة عقد النكاح فزينوها وجملوها وروها إياه في أحسن صورة عروس توجد وقولوا له ذق طعم هذا الوصال وتمتع بهذه العروس كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرارة الطعم الطعن والضرب ثم وازن بين لذة هذه المسالمة ومرارة تلك ومرارة تلك المحاربة فدع الحرب تضع أوزارها فليست بيوم وتقتضي وتنقضي وإنما هو حرب متصل بالموت وقواك تضعف عن حرب دائم. Si vous sentez que le cœur veut rejoindre son royaume, si vous voyez que le cœur regrette et veut se repentir, revenir vers Allah Azza wa Jalla et faire de bonnes actions, et que vous voulez vous prémunir contre cela, placez entre lui et l'âme un contrat de mariage. Placez entre lui et l'âme incitatrice au mal un contrat de mariage. Embellissez la mariée et faites-la lui apparaître sous la plus belle apparence qui soit et dites-lui, goûte à cette liaison et à cette jouissance de cette femme et à la jouissance de cette femme comme tu as goûté à la guerre et à l'amertume de la blessure après des, et à des coups. Puis pèse entre la délectation de cette conciliation et l'amertume de la guerre. Alors posons les armes, car ce n'est pas une guerre d'un jour, mais une guerre continue jusqu'à la mort. Et tu es incapable de combattre continuellement. Et Shaitan vient et dit au fils de Adam, mettez un acte de mariage entre lui et l'âme incitatrice au mal. Faites en sorte qu'il soit toujours lié. Et embellissez cette âme incitatrice au mal. Et dites-lui, tu ne fais que combattre tes passions, et c'est difficile. Et ce n'est pas une guerre d'un jour, c'est une guerre jusqu'à la mort. Et nous, on te propose de poser les armes. Arrête de battre contre le shaitan. Arrête de combattre tes passions, parce que ce n'est pas le combat d'un jour. Ça, c'est le combat jusqu'à la mort. Et le shaitan vient avec cette apparence, et il te fait croire que tu vas poser les armes, et que tu vas avoir le plus grand plaisir. Car l'endurance, la patience, c'est difficile. Et le paradis est entouré des choses qui sont difficiles. La prière, la zakat, le siyam, le fait de marcher vers les mosquées et autres. Il lui dit, ça c'est une guerre, il y a des coups, il y a des blessures. Dépose tout ça et prends ce qui est plaisant. C'est-à-dire, lie-toi à l'âme incitatrice au mal et nourris tes passions. Fais tout ce qu'elle te demande. واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما. Puis il leur dit, ô mes enfants, par le shayatin, aidez-vous en cela de deux armées avec lesquelles vous ne serez jamais vaincus. Ces deux points-là, il faut les noter et les retenir. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, ahaduhuma jundul rafla, l'armée de l'insouciance. Et Shaitan tente de faire tomber les gens dans l'insouciance. Tarfilul qulub bani adam an Allah ta'ala wa ad-dar al-akhirah bi kulli tariq. Falaysa lakum shay'un ablagha fi tahsil 'aradhikum min dhalik. Fa inna al-qalba idha ghafala 'an Allah ta'ala tamakkantum minhu wa min a'wanikum wa min ighwa'ihi. Shaitan leur dit, la première armée, c'est l'insouciance. Mettez dans le cœur d'Ibn Adam l'insouciance. Ainsi, vous devez détourner de toutes les manières le cœur du fils de Adam, d'Allah, et de la demeure de l'au-delà. Faites tout ce qui est en votre possible pour détourner le cœur du fils de Adam d'Allah. Premièrement. Deuxièmement, faites tout ce qui est dans votre capacité pour détourner le cœur du fils de Adam de l'au-delà. Parce que ces deux points-là, le fait de croire en Allah et au jour dernier, d'aimer Allah au-dessus de tout, et de croire en la résurrection des corps, des âmes, au jugement, au paradis, à l'enfer, c'est ce qui coupe les plaisirs. D'aller dans le haram, et c'est ce qui donne du plaisir à adorer Allah, Azza wa Jal. Pourquoi ? Parce que tu sais que tu vas revenir un jour vers Allah, et tu as la certitude qu'il va te juger. Et tu as la certitude qu'il n'y a que deux finalités. Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Une partie ira au paradis, une partie ira dans la fournaise. Celui qui a ça dans son cœur et qui n'est pas distrait de ça, il ne va pas rester dans les péchés. Et Shaitan leur dit, enlevez-leur ça du cœur. Faites qu'ils oublient Allah, qu'ils oublient la mort et le retour vers Allah pour le jugement. Ça, c'est la première arme. C'est là qui détruit Ibn Adam, qui détruit son bas-monde, qui détruit son au-delà. Celui qui est assis dans les péchés, celui qui délaisse la salat, est-ce qu'il se rappelle d'Allah ? Est-ce qu'il se rappelle qu'il va être jugé, il va comparaître devant Allah, nu non circoncis, avec ses actions ? Il oublie complètement. Ça, c'est une des armes du shaitan. Sinon, personne ne pourrait être distrait de la salat, de la zakat, des bonnes actions et autres. Mais Shaitan met cela, cette maladie, dans le cœur d'Ibn Adam. Rien n'est plus à même de vous faire parvenir à votre objectif, car si le cœur se détourne d'Allah, vous pourrez le dominer et le fourvoyer. Si le cœur se détourne d'Allah, et il n'est plus soumis à Allah, il sera soumis au shaytan. Soit tu es avec Allah, soit tu es avec le shaytan, il n'y a pas autre chose. Soit tu es avec Allah, tu es fort. Soit tu es avec le shaytan, tu es faible, et il te mène où il le souhaite. Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, وَالثَّانِي, et avant ça, Allah Azza wa Jal nous a interdit dans le Coran de faire partie du nombre des insouciants. Naam. Et pour les francophones, revenez au site La Voix Droite, il y a une conférence sur l'insouciance. Il y a une khutbah sur l'insouciance. Écoutez-la, elle vous est très profitable, de notre frère Saad Akwafakahullah. وَالثَّانِي جُنْدُ الشَّهَوَاتِ, la deuxième armée, l'armée des désirs, les passions. Et Shaitan dit utiliser l'insouciance et utiliser les passions pour détruire Ibn Adam. Jundu shahawat fazayyinuha fi qulubihim wa hassinuha fi a'yunihim wa sulu alayhim bi hadain al-askarayn. Puis il leur dit embellissez-les en leur cœur et faites-les apparaître bon, faites-les paraître bons, attaquez-les à l'aide de ces deux armées. فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما واستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة وقرنوا بين الغافلة غافلين وقرنوا بين الغافلين ثم استعينوا بها على الذاكر ولا يغلب واحد خمسة فإن مع الغافلين شياطين صاروا أربعة والشيطان الذاكر معهم وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره من مذاكرة أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقهم فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين فقربوهم منهم وشوشوا عليهم بهم. C'est un passage qui est très important. Naam, et qui nous montre la grande science et la grande connaissance d'Ibn al-Qayyim de ce domaine. Il nous dit que les shayatines réussissent à vaincre Ibn Adam par deux armes et deux grandes armées. La première, c'est quoi? C'est laquelle? L'insouciance. L'insouciance, le fait d'oublier Allah et l'au-delà. La deuxième, c'est les désirs et les passions. Le fait de succomber à ses plaisirs dans le haram. Et Shaitan leur dit d'embellir tout cela dans le cœur. Attaquez-les à l'aide de ces deux armées, car vous ne trouverez rien de plus efficace contre le fils de Adam que ces deux armées, l'insouciance et les passions. Aidez-vous des désirs pour parvenir à l'insouciance, et aidez-vous de l'insouciance pour parvenir au plaisir. Est-ce que c'est compris? Il leur dit, pour le faire tomber dans l'insouciance, embellissez les passions dans le haram. Quand il va tomber dans le haram et succomber à ses plaisirs, il va être insouciant, car il sera enivré par ses passions. Et il dit aussi, aidez-vous de l'insouciance pour le faire tomber dans les passions. Du fait qu'il est insouciant, faites-le tomber dans la passion. Faites-le tomber dans la passion. Rapprochez les insouciants. Une fois qu'il l'a fait tomber dans l'insouciance, et Shaitan ne le laisse pas ainsi. Il ne le laisse pas tout seul. Non, il réunit les insouciants entre eux. Est-ce que c'est compris? Si l'insouciant était seul chez lui, il va faire du mal à qui? À sa propre personne, n'est-ce pas? Et Shaitan ne se contente pas de ça. Il veut réunir un insouciant avec un second, puis un deuxième avec un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, et ainsi de suite. Pourquoi? Pour que ce groupe-là sème le désordre sur la terre d'Allah Azza wa Jal. Naam. Lui, il veut aller au cours, il veut s'asseoir, il veut écouter. Un insouciant vient à côté de lui, il lui parle, il lui parle, il lui parle, jusqu'à ce qu'il lui fasse oublier l'heure de la salat. Pas du cours, de la salat. Quand il se souvient, la salat est passée. Il se dit, c'est pas grave, je vais aller en retard. L'autre, il lui dit, mais le cours, il a déjà commencé. Viens, tu iras la semaine prochaine. Et de toute façon, les frères enregistrent. Et de toute façon, il y aura le cours sur le site. Non, ça, c'est un exemple. Il veut aller à la salat, il veut prier, il lui dit, c'est pas grave, viens, on va prier en groupe ici. Ça, c'est un exemple. Un insouciant peut affecter une communauté tout entière. Naam. Rapprochez les insouciants, puis aidez-vous d'eux contre ceux qui mentionnent Allah. Et Shaitan dit, prenez les insouciants et utilisez-les comme armes contre celui qui n'est pas insouciant. Jetez les insouciants sur ceux qui ne le sont pas. Ceux qui mentionnent Allah. Un seul pourra en vaincre cinq. Il dit, un insouciant pourra en vaincre cinq. Car les insouciants sont accompagnés de démons. Naam, les insouciants sont accompagnés de démons. Si bien qu'ils sont au nombre de quatre. Et le démon de celui qui mentionne Allah est avec eux. Est-ce que vous avez compris? Comment est-ce qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala est arrivé à ce chiffre? Allah subhanahu wa ta'ala, avant cela, j'ai oublié de citer le verset, nous interdit de faire partie du nombre des insouciants. Wa la takunu min al-ghafili. Et ne soyez pas du nombre des insouciants. Ceci est une interdiction. Ceci est une interdiction. Allah Azza wa Jalla nous a interdit ce qui nous nuit à nous, Ibn Adam. Et la personne qui ouvre la porte de la passion, elle ne sait pas dans quoi est-ce qu'elle pourra finir. Donc c'est plus facile de patienter devant le désir que d'y entrer, puis par la suite s'en délivrer. Il se peut que la personne soit addicte à la passion. Certains ont bu une fois pour goûter ou ont fumé une fois pour goûter. Et au jour d'aujourd'hui, ils se soignent en prenant cela, il n'y a plus aucun plaisir, mais ils n'arrivent pas à arrêter. Ils savent que ça les détruit, mais ils sont addicts. Donc le remède, c'est quoi? C'est de ne pas chercher de remède, c'est de ne pas tomber dedans à la base même. C'est de ne pas tomber dedans à la base même. Donc, chaque personne a avec elle un qarin, un diable qui tente de l'égarer. Chaque personne a avec elle un qarin, un diable qui tente de l'égarer. Les shayatines lui viennent. Il y a l'âme qui est incitatrice au mal, et en plus il y a le qarin de l'homme qui est de l'homme, puis il y a le qarin de l'homme qui est pieux, puis le qarin de l'homme qui est distrait, et de chaque personne. Donc au final, l'homme seul se retrouve contre plusieurs ennemis. Parmi les fils de Adam, parmi les shayatines. Parmi les fils de Adam, et également parmi les shayatines. Ainsi, ils s'entraident dans le haram. Ainsi, ils s'entraident dans le haram, iyadan billah. Puis, il dit, si vous voyez un groupe réuni autour de ceux qui vous nuit, si vous voyez un groupe réuni autour de ceux qui vous nuit, comme l'étude de la science, comme l'écoute du Coran, comme l'apprentissage, comme la prière, comme le Hajj, et ainsi de suite. Il nous dit, comme la mention d'Allah, dhikrullah, l'étude de ses commandements, l'étude de la science, de ses interdits, de sa religion, et que vous ne pouvez les disperser. Donc retenez que ce qui nuit au shaitan, ce sont ses assises de science. Naam. Il leur dit, si vous n'arrivez pas à les disperser, aidez-vous contre eux de leurs semblables parmi les hommes oisifs. Rapprochez-les d'eux et troublez-les à travers eux. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, si vous n'arrivez pas à faire cesser ces assises de science, faites en sorte que des hommes qui n'ont rien à faire de leur vie se mélangent à des gens qui font le bien dans leur vie. Ainsi, ces gens qui perdent leur temps vont affecter ces gens qui utilisaient leur temps dans l'adoration d'Allah, dans l'apprentissage de leur religion. Faites en sorte qu'ils se rencontrent, qu'ils se fréquentent, naam, et ensuite il y aura le mal qui va naître. Pourquoi? Parce que celui qui fréquente des gens de mal, il va être touché dans son bien. Il va être touché dans son bien. Et au minimum, il va faire ce qu'a cité Ibn Qayyim plus tôt, il va se taire sur le faux. Et il ne va pas dire la parole de vérité. Ibn Qayyim a dit, lui, c'est votre frère. Celui qui se tait sur le faux, c'est votre frère. Naam, c'est votre ami, il est avec vous, il est des vôtres. Iyadan billah. Puis, وَبِلْ جُمْلَ فَعِيدُوا لِلْأُمُورِ أَقْرَانَهَا فَادْخِلُوا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ بَنِي آدَمٍ مِنْ بَابِ إِرَادَةِ وَشَهْوَةِ فَسَعِدُوهُ عَلَيْهَا وَكُونُوا أَعْوَانًا لَهُ على تحصيلها فإذا كان الله قد أمرهم أن يصبروا لكم ويصابروكم ويرابطوا عليكم بالثغور فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم بالثغور وانتهزوا فرسكم فيهم عند الشهوة والغضب فلا تصطادون بني آدم في أعظم من هذين الموطنين. Puis Shaitan dit à ses alliés, Allah est avec eux. Si vous voyez un groupe réuni, taïb, loin, en somme, agissez comme il convient. Introduisez-vous auprès de chaque fils de Adam par le biais de sa volonté et de ses désirs. Il fut dit, Ash-shaytan yashum al-nufus. Les anciens disaient, Ash-shaytan sent les âmes. S'il voit que cette âme-là aime la piété, il la fait tomber dans quoi? L'exagération, dans la bid'ah. S'il voit que cette âme-là aime les passions, il la fait tomber dans le haram, dans les passions. S'il voit qu'elle aime l'argent, il la fait tomber dans le vol, dans la trahison, dans le mensonge, dans les pots de vin, par exemple. Naam. S'il voit qu'elle aime la force, la domination, il la fait tomber dans l'injustice. Naam. Dans l'injustice, dans l'orgueil, dans le takabbur et autres. Donc, Shaitan va aller dans le sens du fils de Adam pour le faire glisser. Pour le faire glisser. Il est prêt à le faire entrer dans 10 portes de bien pour le faire tomber dans la 11e qui est de mal. Comme il a fait tomber le peuple de nous, auquel a été envoyé Nuh, alayhi salam, dans la porte du respect des ancêtres, dans la porte de copier les ancêtres dans la piété. Représentez-les, mettez-les dans vos assises afin de vous rappeler de leur dévotion. Au final, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque la science a été oubliée, il les a fait innover. Et il les a fait tomber dans le polythéisme. Il les a fait tomber dans le polythéisme. Naam. Donc il est prêt à faire entrer les gens dans des portes de bien, en les éloignant de la sunna, pour les faire tomber au final dans la porte du mal. Soyez pour lui un soutien dans le fait d'y parvenir. Et Shaitan te fait croire qu'il t'aide à atteindre ton but dans le bien. Et si Allah leur a ordonné de patienter sur vous, de vous endurer et de vous surveiller sur les brèches, alors vous aussi, patientez, endurez, surveillez les brèches et saisissez votre chance lors du désir et de la colère. Retenez ces deux points-là. Celui qui est pieux, Shaitan scrute ces deux états-là. La colère et l'envie. La colère et l'envie. Et Shaitan attend, il endure, il patiente jusqu'à ce que tu tombes dans l'une de ces deux choses-là. À ce moment-là, il saisit l'opportunité. La première, c'est le désir, le besoin, l'envie, les passions. La deuxième, c'est lorsque tu te mets en colère. Lorsque tu t'énerves, tu ouvres une grande porte au Shaitan. Naam, tu ouvres une grande porte au Shaitan. Car vous ne chasserez pas le fils de Adam dans des situations meilleures que ces deux, que celles-ci, le désir et la colère. Puis il dit: Wa alamu anna minhum man yakunu sultanu shahwati alayhi aghlab wa sultanu ghadabi dha'if maqhur fakhudhu alayhi tariq ash-shahwa wa da'u tariq al-ghadab wa minhum man yakunu sultanu al-ghadabi alayhi aghlab فلا تدخل طريق الشهوة شهوة قلبه ولا تعطل ثغرها فإن من لم يملك نفسه عند الغضب فإنه بالحري أن لا يملكها عند الغضب من طريق الشهوة فزوجوا بين غضب وشهوة وامزجوا أحدهما بالآخر وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب. Sachez que parmi eux, certains sont dominés par le pouvoir des désirs. Certains tombent plus dans les passions que dans la colère. Alors que le pouvoir de la colère est faible et dominé. Et Shaitan leur dit, observez ces gens-là. Certains penchent plus vers les désirs haram. Et d'autres plus vers la colère. Ceux qui penchent vers la colère, rentrez par la porte de la colère. Et ne vous occupez pas des désirs. Et ceux qui penchent vers les désirs, ne vous occupez pas de la porte de la colère, mais préoccupez-vous plutôt de la porte du désir. Sans pour autant délaisser totalement cette porte. Donc passez par la porte qui est bien ouverte, mais gardez à l'esprit l'autre. Car une fois que vous serez entré par celle-ci, vous allez le tirer dans l'autre. Et une fois que vous serez entré dans l'autre, vous allez le tirer par celle-ci. Donc il leur dit, ne délaissez pas pour autant la voie des désirs, ne délaissez pas cette brèche. Car celui qui ne se contrôle pas lors de la colère, ne se contrôlera pas, à plus forte raison, lors du désir. Alors joignez sa colère à son désir. Joignez sa colère à son désir. Joignez sa colère et son désir. Mélangez l'un à l'autre. Appelez-le au désir par la voie de la colère et à la colère par la voie des désirs. Sachez que vous ne trouverez pas chez le fils de Adam d'arbre meilleur que ces deux-ci. Il n'y a pas meilleur que d'utiliser la porte du désir, l'arme du désir et l'arme de la colère. Et écoutez ce qu'il nous dit ensuite. Subhanallah. وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لَكُمْ فِي بَنِي آدَمَ سِلَاحٌ أَبْلَغَ مِنْ هَذَيْنِ السِّلَاحَيْنِ وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُ أَبَوَيْهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ بِالشَّهْوَةِ سبحان الله وَإِنَّمَا أَلْقَيْتُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَ أَوْلَادِهِمْ بِالْغَضَبِ. Retenez cela, notez-le et propagez-le. Ibn al-Qayyim nous dit que Shaytan dit à ses adeptes, à ses soutiens, et sachez que vous n'avez pas de meilleure arme que le désir et la colère. En effet, j'ai fait sortir leurs parents du paradis par le désir. Adam et Hawa. Naam. En leur embellissant le fait de s'approcher de cet arbre-là. Et j'ai mis l'inimitié entre ses enfants par la colère, au point où l'un des deux fils de Adam a tué le second. Regardez à quel point ces armes sont destructrices. L'arme du désir a été la cause de la sortie de nos parents du paradis. Et l'arme de la colère a été la cause du premier meurtre. Le meurtre du fils de Adam, du second. Sachez que vous ne trouverez pas chez le fils de Adam d'armes meilleures que ces deux-ci. J'ai fait sortir ses parents du paradis par les désirs. Et j'ai suscité l'inimitié entre leurs enfants par la colère. Et c'est par elle que j'ai brisé leurs liens et fait couler leur sang. Et c'est par elle qu'un des deux fils de Adam a tué son frère. فَبِهِ قَطَعْتُ أَرْحَامَهُمْ وَسَفَكْتُ دِمَاءَهُمْ وَبِهِ قَتَلَ أَحَدُ بَنِي آدَمْ أَخَاهُ. Donc ça, c'est une grande science qu'il nous faut noter, comprendre, agir en nous en éloignant. La colère et le désir. La colère a fait sortir, la colère a fait couler le sang sur la terre. Le désir a fait sortir du paradis Hawa et Adam alayhi assalam. Donc, c'est une obligation pour nous que de faire attention à ces deux points-là. La colère d'une minute peut amener des conséquences dramatiques dans la vie d'une personne. Un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit: Ya Rasulallah, awsini, qala lahu la taghdab. Faraddada miraran, qala lahu la taghdab. Un homme a dit au messager d'Allah: fais-moi des recommandations. Il lui a dit: ne te mets pas en colère. Il lui a dit: ajoute-moi. Il lui a dit: ne te mets pas en colère. Et à chaque fois que je lui demandais, il me répondait: ne te mets pas en colère. Naam. Parce que de la colère naît tout le mal. Qu'est-ce qui a fait que le fils de Adam a tué son frère? Cette colère. Qu'est-ce qui a fait que le sang est répandu sur la terre? Cette colère. Qu'est-ce qui a fait qu'un tel entre en prison suite au décès d'un tel qui était son ami? Un moment de colère, moins d'une minute des fois. Qu'est-ce qui a fait que cette personne a divorcé son épouse? C'est le troisième divorce. Et ils ont 5 enfants, ils ne peuvent plus la reprendre. La colère. Naam. Puis il vient voir l'imam et il lui dit: je suis malheureux, je suis désemparé, je ne peux ne passer de cette situation, je ne peux tomber dans celle-ci. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai divorcé. Est-ce? Mais tu peux la reprendre? Non, c'est le troisième divorce, si ce n'est plus. Si ce n'est plus, il te dit: je l'ai tellement divorcé que je ne me souviens même plus du nombre. Puis il essaye de trouver un échappatoire en disant: oui, mais telle fois j'étais en colère. Mais est-ce qu'une personne divorce si ce n'est en étant en colère? Le divorce qui n'est pas valable, c'est le divorce dans lequel la personne a perdu la raison. Il est comme fou, il prononce le divorce, il ne sait même plus ce qu'il dit. Si sa mère venait à lui parler, il lui dirait: je te divorce toi aussi. Il a perdu la raison. Quant au divorce de base, sans aucun doute qu'il est fait dans la colère. Donc cette colère-là, d'une minute, elle amène des conséquences très dramatiques très grave. Quel est le remède? Suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Lors de la colère, le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné deux choses. La première, lorsqu'il a vu un homme se disputer avec un autre et devenir rouge, il lui a dit Inni la'alamu kalimatan law qalaha, je connais une parole. S'il la prononçait, ça aurait apaisé tout cela ou fait disparaître tout cela. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. C'est quoi cette parole? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. La première recommandation, le premier comportement, tu t'éloignes des causes de la colère. La tardab, c'est-à-dire éloigne-toi des causes de la colère. Puis une fois en colère, quel est le comportement? Premièrement, al-isti'adha. Tu dis a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Parce que ça, c'est une boule de feu que Shaytan met dans ton qalb, comme va expliquer Ibn al-Qayyim. Tu dis a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ça éteint le feu comme l'eau l'éteint. Ça éteint la colère comme l'eau éteint le feu. Le deuxième comportement, au scout, tais-toi, observe le silence. Car jamais tu ne regretteras de t'être tu. Mais ô combien de fois tu peux regretter d'avoir parlé. Comme a dit le poète, j'ai jamais regretté d'avoir retenu ma langue. Mais combien de fois j'ai regretté d'avoir parlé? Non, la chose que tu ne dis pas, probablement tu pourras le dire par la suite. Mais la parole, lorsqu'elle est à toi, en toi, tu es son propriétaire. Lorsqu'elle sort de toi, c'est elle qui te possède désormais. C'est toi qui devras rendre compte de cela. Chaque parole. Puis tu dis, non mais j'ai été énervé. Est-ce que parce que tu es énervé, tu ne les trouveras pas dans tes feuilles yom al-qiyamah? At-tawba, c'est le repentir qui peut effacer cela. Pas le fait de justifier l'erreur. Non, il faut effacer ce péché-là avec le repentir. De par la colère, il bat son épouse. De par la colère, il opprime ses enfants. De par la colère, il trahit. De par la colère, il opprime. De par la colère, il frappe. De par la colère, il divorce, il parle, il insulte. Combien de choses à cause de la colère? Une minute de colère peut amener des conséquences à vie. Des conséquences à vie. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous montre la gravité du meurtre. La zalu al-muslimu fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman. Fa idha asaba daman haram ballah, ayn qata'a. La personne ne cesse d'avoir de la largesse dans sa religion tant qu'elle ne fait pas couler de sang. Mais à partir du moment où elle fait couler le sang de quelqu'un, ça s'arrête. Subhanallah. Combien de gens ont tué? Des gens qu'ils connaissent. La plupart du temps, c'est des gens qui se connaissent. Des insultes ou des coups ou bien des meurtres et autres. Telle cité contre telle cité. Non. Telle cité contre telle cité à cause de la colère entre deux personnes. Puis ça devient un problème de cité qui s'hérite, qui a été hérité de génération en génération. Au final, quand tu attrapes celui-ci, tu lui dis, pourquoi est-ce que tu te bats avec les gens de ce quartier? Il ne sait même plus pourquoi. Parce que c'est une histoire qui remonte aux anciens. Naam. Et à Bobigny, on est bien placé pour le dire. Combien de quartiers? Tel quartier avec tel autre. Naam, tel quartier avec tel autre. Naam, sans vouloir citer de nom. Naam, pour ne pas sortir de notre sujet. Mais c'est un point qui est très important. C'est un point qui est très important. Le fait de ne pas ouvrir la porte de la colère. Et tu ne pourras pas battre ton ennemi par un meilleur comportement que de te contenir. Le prophète, alayhi salatu wasalam, dit « Laisse ash-shadid bis-sur'a ». Le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, qui bat tout le monde. Ce n'est pas lui le plus fort. Mais celui qui se maîtrise lors de la colère, lui, c'est le plus fort. Il peut exterminer ses ennemis avec son comportement. Non. Lorsque l'ennemi insulte et gesticule, son seul souhait, c'est que tu fasses comme lui et te réduises à son niveau. Mais toi, reste noble et reste fier de par le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam. As-sabre, l'endurance. Un jour, un homme insultait un autre. Le deuxième était endurant. Au bout d'un moment, il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, il est parti. Il lui a dit, Rasulallah, depuis tout à l'heure, il fait ceci et cela. Tu es resté. Et là, je vois que tu te lèves suite à une réponse de ma part. Il lui a dit, un ange ne cessait de répondre à ta place. Mais lorsque tu as parlé, le mal arrive à cet endroit et je ne reste pas dans celui-ci. Les shayatines viennent dans ces assises-là. Tout comme les anges viennent dans les assises de science. Ainsi, tu dois fermer cette porte de la colère. Et ça, c'est un travail. C'est une éducation. C'est des doigts. Tu demandes à Allah d'apaiser ce cœur. Tu demandes à Allah de te donner un bon caractère. Tu étudies la sirah du prophète sallam. Tu lis les livres où il y a le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Certaines personnes, lorsqu'elles entrent chez elles, naam, elles insultent tout le monde. Naam, elles insultent les proches, les enfants, femmes et familles. Elles ne peuvent contrôler leur langue lors de la colère. Certaines personnes, même dans la demeure d'Allah, al masjid, se mettent en colère. L'endroit où il y a la miséricorde, l'endroit où on avance vers le paradis, l'endroit où on écoute le Coran. Certaines personnes, même après une prière obligatoire, le shaitan réussit à trouver chez eux la colère à rentrer. C'est que le cœur est malade. C'est que le cœur est malade. Et tout ce qu'on vient de citer, c'est la colère qui n'est pas louable. Mais il y a une colère qui est louable, c'est se mettre en colère pour Allah lorsque les limites d'Allah sont transgressées. Ça, c'est une colère qui est aimée chez Allah Azza wa Jal. Le fait de se mettre en colère parce que le haram est fait, parce que les limites d'Allah Azza wa Jal sont toutes outrepassées. وَعْلَمُوا أَنَّ الْغَذَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمٍ وَالشَّهْوَةَ نَارٌ تَثُورُ مِنْ قَلْبِهِ وَإِنَّمَا تُطْفِئُ النَّارُ بِالْمَاءِ وَالصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ وَالتَّكْبِيرِ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُمَكِّنُوا ابْنَ آدَمَ عِنْدَ غَضَبِ وَشَهْوَتِهِ مِنْ قُرْبَانِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ ذَلِكَ يُطْفِئُ عَنْهُمْ نَارَ الْغَضَبِ وَالشَّهْوَةِ وَقَدْ أَمَرَهُمْ نَبِيُّهُمْ بِذَلِكَ قال إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أما رأيتم من إحمرار عينيه وانتفاخ أوداجه فمن أحس بذلك فليتوضأ. هذا الحديث ضعيف. وقال لهم إنما تطفئ النار بالماء كذلك. وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر والصلاة فحولوا بينهم وبين ذلك وأنسوهم إياه واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب وأبلغوا أسلحتكم فيهم أنكاها الغفلة واتباع الهوى وأعظم أسلحتكم فيكم وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنعوا حصونهم ذكر الله ومخالفة الهوى فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا من ظله ولا تدنوا منه والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد أعداءه ويعينهم بها على نفسه ويقاتلونه بسلاحه ويكون معهم على نفسه وهذا غاية الجهل ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: sachez que la colère est une braise dans le cœur du fils de Adam et que les désirs sont un feu qui s'élève depuis son cœur. Naam, la colère c'est une braise de feu dans le qalb, dans le cœur du fils de Adam, et ce feu ne s'éteint, et les désirs sont un feu qui s'élève dans son cœur, et ce feu ne s'éteint que par l'eau. La prière, la mention d'Allah, la glorification d'Allah. Approchez, طيب, prenez garde lorsque le fils de Adam se met en colère de le laisser approcher les ablutions, la prière. Car cela éteindra le feu de la colère et des désirs. Et Shaitan leur dit, lorsqu'il est en colère, il ne faut surtout pas qu'il s'approche de Al-Wudu. Parce que l'eau, ça éteint le feu. Il ne faut surtout pas qu'il s'approche de la prière. La prière, ça va l'amener à l'apaisement, ça va l'amener au recueillement, au regret, au repentir, à s'améliorer, à se corriger après la salat. Beaucoup de personnes regrettent. C'est pour cela, lorsqu'il y a un problème, ils vont, ils prient. Ce qu'Allah guide, lorsqu'il y a un problème, ils vont, ils prient. Après cette prière, ils regrettent. Après cette prière, ils appellent ceux avec qui ils se sont disputés. Même s'ils ont raison, ils s'excusent pour avoir la grande place et les hauts degrés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shaitan leur dit, il ne faut surtout pas qu'ils fassent el-wudu, la prière, dhikrullah, car cela éteindra le feu de la colère et des désirs. Et c'est ce que leur a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, la colère est une braise dans le cœur du fils de Adam. Ne voyez-vous pas le rougissement de ses yeux et le gonflement de ses jugulaires, que celui qui ressent cela accomplit ses ablutions. Ce hadith est faible. Et il leur dit également, le feu n'est éteint que par l'eau. Ce hadith également est faible, comme l'a dit l'imam al-Albani, rahimahullah. Allah leur a commandé de chercher aide contre vous dans la patience et la prière. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Allah nous dit en Coran, sous la traduction des sens de ce verset, aidez-vous de l'endurance et la prière. Alors interposez-vous entre eux dans cela et faites-leur oublier. Et Shaitan dit, il ne faut pas les laisser faire la prière, ne laissez pas être endurants. Mettez-vous entre eux et les sept salats, entre eux et l'endurance. La meilleure des armes dont vous disposez contre eux est l'insouciance et le suivi des passions. Ça, il faut le noter, il faut le retenir, le transmettre et l'enseigner. La meilleure arme du shaitan, la pire contre nous, est l'insouciance et le suivi des passions. Alors que la meilleure des armes dont ils disposent contre vous, la plus efficace de leur citadelle, leur forteresse, est la mention d'Allah. Et l'opposition aux passions. Ainsi, si vous voyez un homme s'opposer à ses passions, fuyez-le et ne vous en approchez pas. Et shaitan leur dit, si vous voyez un homme qui combat ses passions, qui ne tombe pas dedans, et qui fait du dhikr, celui-ci, fuyez-le. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Al-Shaytan n'a pas d'emprise sur le serviteur d'Allah Azza wa Jal qui le mentionne, qui est proche de lui. Le prophète, alayhi salatu wa salam, une fois dans la salat, s'est avancé. Puis il a fait ce geste-là de la main. Plus tard, les compagnons lui ont dit, ya Rasulallah, tu as fait une chose inhabituel dans ta prière. Non. Il a dit qu'il a, yani entre autres, il a attrapé un diable. Il a attrapé un diable. Et nous, c'était la doua du prophète Suleyman, alayhi salam, je l'aurais attaché à la mosquée. Et les jeunes auraient joué avec lui ou bien lui auraient fait telle et telle chose. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit concernant Umar ibn al-Khattab, que lorsque Omar emprunte un chemin, et Shaitan en emprunte un autre. En emprunte un autre. Celui qui est fort de par le dîn, de par dhikrullah, il est fort de par Allah, et Shaitan est faible devant lui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit lorsqu'on lit un passage où il y a la prosternation, et qu'on se prosterne, et Shaitan invoque contre lui-même. Et il dit, malheur à moi, il m'a été commandé de me prosterner, je n'ai pas obéi. Et lui, il lui a été ordonné de se prosterner, il s'est prosterné, il pleure. Naam. Lorsqu'il y a l'adhan, Shaitan fuit, il se sauve, et il émet un paix. Et lorsque l'adhan finit, il revient. Lorsqu'il a l'iqama, à nouveau, il se sauve. Et ainsi de suite. C'est une guerre qui ne finit pas, si ce n'est au moment où on vient retirer ton âme. Donc tu dois étudier ces sens-là. Tu dois te prémunir contre Shaitan. Et la meilleure arme que tu possèdes contre lui, c'est l'isti'adha. Fait de chercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre Shaitan. La meilleure arme que tu possèdes contre lui, c'est ta faqquh fi din, apprendre ta religion. Et apprendre ces techniques militaires et ces stratégies militaires pour te prémunir et te protéger. Naam. Et placer tes différents bataillons aux endroits judicieux pour préserver le roi, comme a dit Ibn Qayyim, le cœur, rahimahullahu ta'ala. En somme, les péchés et désobéissances sont des armes que l'homme offre à ses ennemis. À chaque fois qu'on commet des péchés, on donne des armes au shaitan pour nous avoir, par lesquelles il les aide contre lui-même, et ainsi il le combat avec ses propres armes, et il se tient avec eux contre sa propre personne. Ce qui est le summum de l'ignorance. Le summum de l'ignorance, c'est que tu as un ennemi avec une armée, et toi tu viens et tu te mets dans ses rangs. Pour attaquer qui? Ton pays, ton propre pays, ta propre maison. Imaginez des hommes qui viennent pour détruire votre maison. Naam. Imaginez des hommes qui viennent pour détruire notre propre maison. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de monter la garde, au lieu de les attaquer, de se défendre, qu'est-ce qu'on fait? On pose les armes. Non, on garde les armes, on va avec eux et on leur donne les armes et on reste avec eux. Ensuite, on vient avec eux, on détruit la maison avec eux. C'est le summum de l'ignorance. C'est le summum de la bêtise. C'est pour cela que le poète a dit, les ennemis ne peuvent causer autant de tort à l'ignorant que l'ignorant ne s'en cause à lui-même. Allahu Akbar. des ennemis qui veulent le mal à un ignorant n'arrive pas à faire à l'ignorant ce que l'ignorant se fait à lui-même. Ce que l'ignorant se fait à lui-même. Il est étonnant de constater que l'homme s'efforce d'avilir son âme alors qu'il prétend l'honorer. Alors qu'il prétend l'honorer. Wa min al-ajaib anna al-'abda yas'a bi juhdi fi hawani nafsi wa huwa yaz'um anna annahu laha mukrim wa yajtahidu fi حرمانها أعلى حظوظها وأش في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها وهو يزعم أنه يسعى في حظها ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدنيسها وهو يزعم أنه يعليها ويرفعها ويكبرها وكان بعض السلف يقول في خطبه في خطبته ألا رب مهين لنفسه وهو يزعم أنه لها مكرم ومبذل ومذل لنفسه وهو يزعم أنه لها معز ومصغر لنفسه وهو يزعم أنه لها مكبر ومضيع لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحظها وكفى بالمرء جهلا أن يكون ما عدو نفسه يبلغ منها بغفلته ما لا يبلغ منها عدوه والله المستعان. Il est étonnant de constater que l'homme s'efforce d'avilir son âme alors qu'il prétend l'honorer. Il s'efforce de la priver de ce qui lui revient de plus élevé et de plus noble alors qu'il prétend le lui accorder. Il s'efforce de l'humilier, de la rabaisser, de la salir alors qu'il prétend l'élever et la grandir. Comment est-ce qu'on honore notre âme? En faisant ce qu'Allah nous a commandé et ce pourquoi elle nous a créé. En apprenant à le connaître et en l'adorant d'un culte sincère. En lui obéissant dans ses ordres et en s'éloignant de sa désobéissance. En suivant la voie du prophète alayhi salam. C'est ainsi que tu honores cette âme. Tu l'anoblis et tu l'élèves. Naam. Comment est-ce qu'on l'avilit, on la salit avec les péchés? Avec la désobéissance. Un pieux prédécesseur a dit dans un de ses sermons, n'est-ce pas que l'on peut avilir son âme alors qu'on prétend l'honorer, l'humilier alors qu'on prétend la respecter, la rabaisser alors qu'on prétend la grandir, la négliger alors qu'on prétend son droit, respecter son droit, suffit à l'homme pour ignorance que de se tenir avec son ennemi contre son âme et de lui causer plus de tort que ne lui en causerait son ennemi. Qu'Allah nous vienne en aide. Comme il a dit, Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est une grande leçon et c'est un grand passage du livre Ad-Dawa Ad-Dawa du grand savant Muhammad ibn Abi Bakr, al-Ma'ruf ibn Qayyim al-Jawziya, rahimahullahu ta'ala. Ici, il nous a longuement décrit comment est-ce que Shaytan parvenait à pénétrer le cœur du fils de Adam pour qu'il se joigne à lui au combustible de la fournaise. Ça, c'est son but ultime et suprême. C'est faire de nous du combustible du feu de l'enfer. Parce que lui est inscrit en enfer. Lui, il n'a plus d'échappatoire. Donc, il a pris l'engagement de nous faire entrer tous avec lui en enfer. Mais toi, ne désespère pas. Sache que tu as un soutien incommensurable. Tu as un soutien, s'il est avec toi, tu es imbattable. Tu as un soutien, s'il est avec toi, tu es l'armée qui est imbattable. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. C'est ainsi qu'on sauve les croyants. وَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. Ce sont ceux qui seront soutenus et secourus. Avec l'iman, وَالصِّدْقَ مَعَ اللَّهِ. Avec l'ikhlas, avec l'ilm al-nafi, l'amal salih. Sache que Shaitan, il est humilié, il est avide, il est faible. Mais la peur est pour qui? Pour l'ignorant, pour celui qui est insouciant et celui qui suit ses passions. Quant aux croyants forts avec Allah, soumis à Allah, connaisseurs de la religion d'Allah, Shaitan est faible devant lui. Ne lisez-vous pas sourate An-Nas? Qul a'udhu bi rabbin nas. Malik innas, ilah innas. Tout cela pour chercher refuge auprès d'Allah contre qui? Min sharril waswas il khannas. Qui est el waswas dans ce verset? Qui est el khannas dans ce verset? Dites-moi. C'est shaitan. El waswas c'est shaitan. El khannas également c'est shaitan. Celui qui a de l'emprise sur Ibn Adam au fait, au point de le troubler, au point de l'exciter dans le haram, au point de lui faire montrer le vrai comme étant le faux comme étant le vrai, au point de le distraire et de le faire suivre ses passions, ça c'est le waswas, c'est shaitan. El khannas, il est humilié, il est rabaissé, il est abili, il est faible. Quand est-ce qu'il sera waswas? Quand est-ce qu'il sera khannas? Il est waswas quand on est loin du zikrullah. Il est waswas quand on est loin du Coran. Il est waswas quand on est loin de la sunna. Il est waswas lorsqu'on est loin du rappel d'Allah et de son obéissance et des assises de science. Il est waswas. Il est fort contre lui. Il est khannas, humilié, avili, rabaissé, faible. Quand est-ce? Quand tu es proche d'Allah. Quand tu es avec Allah. Quand tu fais du dhikr. Quand tu fais du sirvar. Quand tu étudies qui était le prophète sallam pour le suivre et lui obéir. Il est khannas, il est faible. Naam, il n'a aucune emprise sur toi. Il n'a aucune emprise sur toi. Mais, il va observer la brèche pour trouver le moment opportun pour entrer. Lors de la colère et lors de l'insouciance. Lors de la colère et lors de l'insouciance. Ainsi, celui qui arrive à bétonner ses brèches, qui arrive à fortifier et à protéger ses délimitations, voici celui qui sera élevé et honoré. Voici celui qui sera proche d'Allah Azza wa Jal dans ce bas monde et dans l'au-delà. Voici celui qui sera sur As-Sirat al-Mustaqim. Et celui qui marche vite sur As-Sirat dans ce bas monde, il traversera vite As-Sirat yawm al-Qiyamah. Et c'est pour cela que dans chaque prière nous disons Ihdina As-Sirat al-Mustaqim. Guide-nous sur le sentier droit. Sirat al-Ladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Naam. Ghayril maghdoubi alayhim. Non pas ceux qui ont encouru la colère. Ni wala dhalin, ni les égards. Tu demandes à Allah Azza wa Jal de t'accorder la droiture avec la science utile et les actions pieuses. C'est-à-dire de concrétiser ce avec quoi nous est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Et celui qui a envoyé son messager avec la voie et la religion véritable, c'est-à-dire la science utile et les actions pieuses. فَنَسْأَلُ اللَّهِ يَهْدِيَنَا أَجْمَعِينَ صِرَاطَهُ الْمُسْتَقِيمِ. Le point suivant, il nous reste trois chapitres pour finir ce long passage sur les effets des péchés et madha et des désobéissances. Ensuite, on revient à notre cours qui est l'étude de la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait bien avancé par la grâce d'Allah azza wa jal uniquement. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit wa min 'uqubatiha anna tunsi al-'abd nafsa fa idha Naam. فصل المعاصي تنسي العبد نفسه ومن عقوبتها أنها تنسي العبد نفسه وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها فإن قيل كيف ينسي العبد كيف ينسى العبد نفسه وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكر وما معنى نسيانه نفسه قيل نعم ينسى نفسه أعظم نسيان قال الله العظيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وانساهم انفسهم كما قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين احدهما انه سبحانه نسيه والثاني انه انساه نفسه ابن القيم رحمه الله تعالى نسيت. Un point des plus effrayants parmi les conséquences des péchés et des désobéissances. Le péché emmène le serviteur à s'oublier lui-même. Le péché emmène le serviteur à s'oublier lui-même, à oublier sa propre âme. Les péchés font oublier à l'homme son âme, sa propre personne. Et lorsqu'il l'oublie, il la néglige, la corrompt et la perd. Si on demande comment l'homme peut-il oublier son âme, s'il oublie son âme, de quoi se souviendra-t-il? Et que signifie oublier son âme? On peut répondre qu'effectivement l'homme oublie grandement son âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction des sens de ce verset, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a alors fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a alors fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. C'est le verset 19 de Sourate Al-Hashr. Lorsqu'ils ont oublié leur Seigneur, il les a oubliés. Et leur a fait oublier leur propre personne. Comme Allah a dit, sur la traduction des sens de ce verset, ils ont oublié Allah, c'est pourquoi il les a oubliés. Le verset 67 de Suratou At-Tawba. Ça, c'est un point très important. Avant cela, un point relatif à la bonne croyance concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Nous savons tous qu'il nous est obligatoire d'affirmer ce qu'Allah s'est affirmé à lui-même, comme nom, à la perfection, sans établir de similitude avec ses créatures. Et nous savons tous qu'il nous incombe à tous d'affirmer l'ensemble des attributs d'Allah Azza wa Jal, sans établir d'anthropomorphisme entre lui et ses serviteurs. C'est-à-dire de dire que le comment des attributs d'Allah est similaire au comment des attributs des créatures. Nous disons plutôt laysa kamithli shay wa huwa as-sami'ul basir wa lahu al-mathalu al-a'la wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya? Tous ces textes nous montrent qu'Allah Azza wa Jal, rien ne lui est semblable. Ici, nous voyons dans ce verset l'affirmation du fait qu'Allah yansa abda. Naam. Du fait qu'il oublie le serviteur. An-nisyan vient dans la langue arabe et a deux sens. Le premier sens, c'est an-nisyan an-zuhul, an-ghayri amd. C'est le fait d'oublier par inadvertance. C'est le fait d'oublier dû à une imperfection dans la connaissance et la science. Le deuxième sens de l'oubli, c'est at-tark. C'est le délaissement. C'est un oubli qui est volontaire, une punition, un délaissement et un abandon. Quant au premier sens, Allah en est exempt. De par la perfection de sa science, il n'oublie rien. Voilà. La yadillu rabbuka wa la yansa. Ton Seigneur ne s'égare pas ni n'oublie. Naam. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla a affirmé cela. Il n'oublie rien, subhanahu wa ta'ala. Et dans ce verset, on voit qu'on affirme cela. Donc le sens affirmé est autre que le sens infirmé. Le sens affirmé ici est dans le sens de at-tark. C'est l'oubli volontaire dans le sens du délaissement et de l'abandon. Ainsi, celui qui oublie Allah, qui oublie d'obéir à Allah Azza wa Jalla volontairement, Allah l'oublie volontairement, c'est-à-dire qu'il l'abandonne. Il le délaisse et il l'abandonne au shayatin. Il l'abandonne à son âme incitatrice au mal. Et qu'adviendra-t-il d'une âme abandonnée par son Créateur, son Seigneur, abandonnée par le tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala? Si Allah Azza wa Jal abandonne cette âme, personne après pourra la recueillir, personne après pourra la sauver. Wa inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Puis Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit deux punitions à celui qui aura oublié Allah. Deux punitions à celui qui fait des péchés, qui a donc oublié Allah. La première, c'est qu'Allah va l'oublier, c'est-à-dire le délaisser, l'abandonner. La deuxième, c'est qu'il va faire en sorte que lui-même s'oublie. Que veut dire qu'il s'oublie? Ibn Qayyim nous dit وَنِسْيَانُ سُبْحَانَهُ لِعَبْدِهِ مَالُهُ وَتَرْكُهُ وَتَخَلِّيهِ عَنْهُ وَإِضَاعَتُهُ فَالْهَلَاكُ أَدْنَى إِلَيْهِ مِنَ الْيَدْ لِلْفَمْ وَأَمَّا إِنْسَاؤُهُ نَفْسَهُ فَهُوَ إِنْسَاؤُهُ لِحُظُوظِهَا الْعَالِيَةِ وأسباب سعادتها فلا فلاح وفلاحها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به ولا تكمل به نفسه ونسيان ذلك جميعه فلا يخطره بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصانها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها. الله المستعان. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: Allah inflige à celui qui l'oublie deux châtiments. Le premier est qu'Allah l'oublie, et le deuxième, c'est-à-dire qu'il le délaisse, l'abandonne. Et le deuxième est qu'il lui fait oublier sa personne. L'oubli d'Allah consiste à son abandon de l'homme, son délaissement et son égarement. Ainsi la perte est plus proche de lui que la main ne l'est de la bouche. Quant au fait qu'il fasse oublier son âme à l'homme, cela consiste à ce qu'il lui fasse oublier de lui accorder ce qui lui revient de plus élevé, ce qui amènera bonheur, succès, rectitude et qui le parfaira. Il lui fait oublier tout cela et ainsi il ne fait pas venir cela à l'esprit de l'homme, ne le fait pas s'en souvenir, ne dirige pas vers cela sa préoccupation et ne lui fait pas convoiter et ne le lui fait pas convoiter. Cela ne lui vient donc pas à l'esprit pour qu'il puisse la convoiter et le choisir. Que veut dire qu'Allah fait oublier la personne à la personne, sa propre âme, sa propre personne? C'est-à-dire que l'homme oublie d'agir pour sauver son âme, oublie de préparer son au-delà et son paradis. Il oublie d'affranchir son âme de par le repentir, de par la prière, de par l'évocation d'Allah. Il oublie tout ça. Il agit dans ce bas monde comme s'il n'allait pas mourir. Il se comporte comme un animal, ou pire encore, l'oubli de sa personne, c'est-à-dire ne pas agir selon ce qui va lui apporter le bien et le salut dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Puis, Shaitan fait en sorte que tu ne t'en souviennes pas. Tu ne te souviens pas que tu es dans ce bas monde en lieu de passage. Tu ne te souviens pas que chaque péché est éloigné de ton serviteur. Tu ne te souviens pas qu'il y a un enfer ardent. Naam, dont le combustible est les hommes et les pierres, ou les gens et les pierres. De même, il lui fait oublier les défauts. La personne oublie ses propres défauts. La personne oublie ses propres défauts, ses imperfections et fautes, si bien qu'il ne lui vient même pas à l'esprit de les faire disparaître et de les amender. Donc la personne, elle oublie qu'elle a des fautes et des défauts. Alors elle ne se corrige pas. C'est pour ça que les pieux prédécesseurs disaient qu'Allah fasse miséricorde à celui qui m'offrira mes défauts. Celui qui vient et qui te fait montrer tes fautes et tes défauts, c'est le meilleur allié, c'est le meilleur ami. Car avec ça, tu vas te repentir, te corriger, chercher à t'améliorer au minimum. Naam, wa billahi tawfiq, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc le serviteur est oublié par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire délaissé, abandonné. Et deuxièmement, il s'oublie lui-même, il oublie d'agir en faisant ce qui va affranchir son âme de l'enfer. Aussi, il oublie ses défauts, les défauts de sa personne, les défauts de son âme, ses imperfections, il oublie tout ça. Et il se concentre alors sur celui qui est en face. Et il s'ancre dans ce bas monde sans préparer son au-delà. Premièrement, il critique les autres parce qu'il a oublié ses fautes. Deuxièmement, il n'agit plus pour son au-delà. Il agit pour ce bas monde parce qu'il est insouciant. Il est insouciant et il a oublié sa propre personne. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَى وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Allah Azza wa Jal nous a interdit de faire partie de ces gens-là. Il nous a interdit d'obéir à ces gens-là, ceux qui sont distraits du rappel d'Allah et qui suivent leur passion et dont les affaires sont toutes désordonnées. Et celui qui est dans cet état-là, Al-Shaytan a parfaitement emprise sur lui, wal-iyadhu billah. Aussi, celui qui ne voit pas les défauts de son âme a fermé la porte de muhasabatun nafs, la porte de an-nadam, la porte de tawadhu et beaucoup d'autres qualités. Celui qui ne voit pas ses défauts ni ses fautes ne sera pas humble. Il ne va pas faire ses comptes. Il ne va pas dire j'ai telle faute, il faut que je m'améliore. J'ai fauté, il faut que je me repente. Non. Lui, il se voit bien. Il se voit noble. Parce qu'il ne voit plus la noblesse dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Il voit la noblesse dans le fait d'amasser les biens de ce bas monde. Wal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quant à celui qui a été guidé à la vision de ses défauts, ça lui ouvrira les meilleures des portes, les plus belles des portes. La porte du fait de voir sa personne comme étant basse, comme étant besogneuse devant la miséricorde d'Allah et son pardon, sa guidée, naam, sa pitié. Ainsi tu verras le serviteur humble. Lorsqu'il mentionnera un bienfait, ça ne sera que pour le faire revenir à son propriétaire. Lorsqu'il mentionnera des défauts, ça sera les siens, suivis d'un repentir et de l'istighfar. Wallahu al-musta'an. وأيضا ينسي أمراض نفسه وقلبه وآلامها فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك فهو مريض مثخن بالمرض ومرض مترام به إلى التلف ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit aussi, lui fait oublier les maladies et souffrances de son âme et de son cœur, si bien qu'il ne lui vient pas à l'esprit de les soigner, qu'il ne tente pas de faire disparaître ses souffrances et maladies qui le conduisent à la corruption, à la perte. Cet homme-là est tellement distrait, il est tellement égaré dans les péchés, il a tellement oublié d'agir pour sauver son âme de l'enfer, qu'il arrive à un niveau où les maladies, où les blessures, il ne s'en rend même pas compte. Allah le punit, il le châtie, il ne s'en rend même pas compte. Pourquoi ? Parce que la blessure, elle fait mal à celui qui est vivant. La blessure, elle fait mal à celui qui est vivant. Mais celui dont le cœur est mort, quand il tombe dans les péchés, ça ne lui fait plus rien. Quand il rate la salat, ça ne lui fait plus rien. Certains parmi les salafs, certains parmi les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils rataient une salat, ils pleuraient. Quand ils rataient une salat au masjid, ils pleuraient. Et ils disaient, rien ne s'est mis entre moi et cette prière si ce n'est mes péchés. Rien ne s'est mis entre moi et cette prière si ce n'est mes péchés. L'un d'entre eux, lors de son décès, on entre chez lui, ou avant son décès, il regrettait ses péchés et le fait d'avoir manqué certaines bonnes actions. Par la suite, après son décès, certaines personnes sont entrées chez lui. Et ils ont vu une place dans sa pièce où il y avait du noir. Alors ils ont demandé, pourquoi est-ce qu'il y a cette noirceur? Ils ont dit, ça c'est sa place. Ça fait 30 ans qu'il se lève et il prie la nuit ici pendant des heures. Et qu'il mouille le sol. Subhanallah, ils avaient une vision d'eux-mêmes qui était basse. C'est pour ça qu'Allah les a élevés comme ça. Et nous on a une vision de nous qui est honorable et qui est noble et qui est grande. C'est pour ça qu'on est dans cet état-là. Et que les punitions, on ne les voit pas. Certains pensent qu'ils sont aimés chez Allah parce qu'ils disent « je n'ai pas de malheur ». Naam. Mais en vrai, il est puni. Il ne se rend même pas compte de la douleur. Il ne se rend plus compte du malheur parce que le cœur est mort. Et pour faire revivre ce cœur-là, il faut l'arroser comme on fait revivre la terre avec l'eau. Et ce n'est pas l'eau qui va faire redonner vie à ce cœur-là. C'est la révélation, c'est le Coran. Il faut revenir au Coran. Il faut méditer le Coran. Il faut se soigner de par le Coran. Il faut revenir à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut étudier la sunna et la prendre en tant qu'amir réellement. Il faut prendre la sunna en tant que guide et ne faire devancer, rien faire devancer devant le Coran et la sunna. Si on fait cela, on va faire revivre ces cœurs-là. Avec l'évocation d'Allah Azza wa Jal, Allah a fait fondre le cœur de gens qui ont vécu dans la jahiliya, ennemis de l'islam, ennemis du prophète alayhi salatu wassalam. De par la révélation, Allah Azza wa Jal a fait fendre leur cœur. De par la révélation, Allah Azza wa Jal les a guidés au Coran. Et nous, on est musulmans, bihamdillah, et on prie, et on jeûne, et on fait, et on fait. Mais il faut soigner ses cœurs, et il faut délaisser les péchés. Et il faut mettre une forteresse autour du cœur, de par l'évocation d'Allah, de par le repentir, et le fait de ne jamais tomber dans l'insouciance. نسأل الله سبحانه وتعالى